Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1 et qu'on retrouve aussi à ckrl.qc.ca sur la toile pour celles et ceux qui sont à l'extérieur du rayon d'action du signal de la station. Gaëtan Gosselin au microphone. J'accueille ce soir l'artiste sonore, le compositeur et chercheur Nicolas Bernier, qui explore depuis plusieurs années maintenant le monde sonore à partir d'inspirations qui appartiennent tout autant au monde de la science que de la fiction. Parmi tous les projets qu'a réalisé Nicolas Bernier jusqu'à maintenant, il en est un qui est, ma foi, particulièrement stimulant sur le plan artistique et qui porte sur l'exploration de la musicalité du son le plus rudimentaire. Et on parle de l'onde sinusoïdale. Cette onde sinusoïdale, même si ça a l'air un peu mystérieux, eh bien, c'est à la base un signal qu'on a tous entendu un jour ou l'autre au travers nos médiums électroniques, radio, télévision, sous la forme d'un son continu de fréquences très variées et qui a un peu cette allure. Alors, je vous propose qu'on écoute ça. Alors, vous avez reconnu, c'est le signal horaire du Centre de recherche du Canada qu'on entend sur une radio. Alors, Nicolas Bernier a donc fait du signal sinusoïdal une matière première au sein d'un travail de recherche et de création collective qui s'est concrétisé au sein d'un projet intitulé « Ensemble d'oscillateurs ». Créé en 2016, l'ensemble d'oscillateurs est un orchestre composé d'une dizaine d'interprètes qui actionnent de vieux oscillateurs analogiques qui génèrent du son à partir de deux paramètres fondamentaux en musique, la fréquence et l'amplitude. Je dois dire que ce projet a trouvé de nombreux échos dans le monde universitaire et suscité de nombreuses collaborations avec des créateurs sonores, compositeurs et musiciens. On va ce soir illustrer la nature et l'envergure de cet ensemble d'oscillateurs en compagnie de Nicolas Bernier, avec qui j'ai eu la chance de converser autour des quatre albums de l'ensemble, des albums qui proposent des explorations singulières, des sons générés par l'oscillateur, allant de la composition contemporaine inédite à la réinterprétation du répertoire historique de la musique électronique à ses débuts. Alors voilà, parole à Nicolas Bernier. Nicolas Bernier, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer ce matin. Merci de m'accueillir. Nicolas, d'entrée de jeu, j'aborde avec toi ce projet qui est fabuleux, merveilleux. C'est un projet collectif. Ça s'intitule « Ensemble d'oscillateurs ». On vient d'entendre un bref extrait en intro de notre conversation, un projet qui prend forme il y a quelques années, en 2016. En tout cas, c'est ce que je repère dans la documentation. Écoute, comment ça surgit? Ce projet dans le sillon de ta démarche artistique. Comment ça apparaît? Comment ça origine? Je vais commencer par le fait, bon, moi, je travaille évidemment, j'ai une pratique plus en art sonore avec, j'utilise beaucoup des sons, ben, comme beaucoup de gens qui passent à l'émission, finalement, là, c'est des sons bruités, disons, comparativement à des sons peut-être plus avec des hauteurs, là, comme avec des instruments plus conventionnels. Puis, il y a un moment dans ma vie où je décide un peu de passer de ces sons-là qui sont très riches, tu sais, en termes de matière sonore, vers des sons plus pauvres, je mets pauvres entre guillemets, mais pauvres en termes de spectre, là, donc des sons où il y a peut-être plus de... Donc, je vais vers quelque chose de plus minimal. Puis, entre autres, bon, j'ai travaillé avec les diapasons, par exemple, qui sont des sons qui se rapprochent de l'onde sinusoïdale, pour éventuellement, avec l'ensemble d'oscillateurs, vraiment travailler. Donc, les oscillateurs, c'est des grosses machines, là, on travaille avec des vieux oscillateurs, évidemment, on pourrait faire ça avec un ordi, mais on travaille avec des machines des années 60, 70, qui font essentiellement juste un son, une onde sinusoïdale, qui est le son le plus basique, que plusieurs personnes vont dire que c'est le son le moins musical. C'est ça, c'est un son qui est associé plus... Je sais pas, quand on prend le combiné de téléphone, là, puis que dans le temps où on avait des lignes fixes, puis c'est bip, ou des sons cliniques, c'est des machines de test, là, évidemment, avec des machines de test d'électronique avec lesquelles on travaille. Donc, j'en suis arrivé là, mais je te dirais qu'une chose qu'il faut que je mentionne comme en termes de comment ça surgit, là, il y a quand même un événement, même si ça ne surgit pas de nulle part, il y a un événement quand même crucial que ça va me faire plaisir de nommer. C'est un show de Nancy Tobin. À un moment donné, dans une série de concerts organisés par Eric Mathieu à Montréal, il y a Nancy Tobin qui est à une table, donc une autre artiste sonore de Montréal. Puis elle a deux oscillateurs, puis de mon souvenir, elle fait essentiellement des battements avec des ondes sinusoïdales. Moi, à cette époque-là, je suis très numérique, dans le sens que je travaille beaucoup, beaucoup avec l'ordinateur, des affaires très complexes, Et je suis dans mes programmes Max, puis des choses comme ça, pour les personnes qui connaissent. Puis là, ben, je vois, c'est ça, Nancy, avec les deux oscillateurs qui manipulent. Puis les oscillateurs, bon, essentiellement, il y a comme deux, trois boutons, là, tu sais, c'est la fréquence, l'amplitude. Il n'y a pas 56 000 options comme moi avec mon ordinateur. Puis là, ben, ça m'a intéressé pas mal. La machine m'interpellait beaucoup, juste la machine en tant que telle. Puis à partir de là, je commence à les collectionner. Essentiellement dans eBay, tu sais, j'aurais une photo que je pourrais montrer si on n'était pas radio, là. J'ai comme une pile d'oscillateurs chez nous, tu sais, dans mon studio. Je partageais un studio avec Martin Messier à l'époque, là. Puis à chaque fois que j'en vois un pas trop cher, je l'achète. T'sais. Puis là, je me monte une pile d'oscillateurs, puis je ne sais pas ce que je veux faire avec ça, en fait. Je sais juste que je veux faire quelque chose. Voilà, fait que je sais pas. Fait que les années passent, puis là, des années plus tard, en 2014, je deviens prof à l'UdeM. Puis là, je me dis, j'ai toutes ces machines-là, mais pour contrôler les gros boutons, ça prend des mains. Moi, j'ai juste deux mains. Puis là, tout à coup, je commence à additionner 1 plus 1 égale 2. Je me dis, là, je suis rendu prof, j'ai des cerveaux puis des mains qui sont dans les parages. Fait que je me dis, on va partir un ensemble. Je trouvais que c'était une belle façon. Je me suis dit, pour jouer tous ces oscillateurs-là, ça prend du monde. Fait que partons un ensemble. Donc là, j'ai parti un cours qui est devenu, fait que c'est ça, c'est un projet qui est à la fois pédagogique, à la fois académique. En même temps, on joue dans le milieu professionnel aussi des fois. On a fait plein de liens avec plein d'artistes de partout. Donc, je suis désolé, je raconte encore une fois une histoire longue. Là, Ouais, tout à fait, Nicolas. Écoute, on va écouter une œuvre pour se mettre dans le bain. On va écouter là une œuvre de Xavier Ménard, interprétée par une dizaine d'artistes. Ça s'intitule État altéré. C'est tiré du premier album de l'ensemble d'oscillateurs intitulé Quatre compositions. Alors voilà, on écoute ça et puis on poursuit ensemble notre conversation. Nicolas, ce qui est tout de même mystérieux derrière cet ensemble, c'est que c'est un ensemble peu conventionnel, un ensemble qui travaille avec non pas des instruments de musique, mais des machines. Tu l'as dit, l'oscillateur, là, c'est un appareil qu'on utilise là, pour soit réparer, soit analyser des appareils électroniques. Bon, puis ça a aussi d'autres fins. Mais comment ça consiste finalement, le processus de création, puis l'interprétation en tant que telle? Comment on visualise ça pour les auditeurs à la radio? Oui, c'est ça. Ça a été quelque chose d'assez complexe quand même. Puis on est encore là-dedans, au sens où, bon, là, j'ai eu cette idée-là. On fait un ensemble avec des oscillateurs. Fait que l'idée est belle, l'idée est le fun. Mais après ça, c'est ça. Là, concrètement, il n'y a pas de musique qui existe. Il faut en faire. Comment on la fait? Puis comme on est 10, donc musicienne, musicien, bien, comment on transmet ces œuvres-là? Comment on peut les rejouer? Comment. Donc, c'était tout un processus. Il y a, au tout début, quand on a parti l'ensemble, il y avait un compositeur qui faisait sa maîtrise à l'Université de Montréal, donc où il y a l'ensemble, qui s'appelle Kevin Gironné. Lui m'a vraiment beaucoup aidé à mettre sur pied. C'est lui qui a fait la toute première composition pour l'ensemble. Puis, il m'a aidé vraiment beaucoup à brainstormer sur tout ça à plein de niveaux. Mais une des choses, donc, qu'il a fallu faire, puis j'avoue en fait, il y a beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas pensé quand j'ai mis sur pied cet ensemble-là. Mais justement, l'idée de la notation. T'sais, fait que là, on est arrivé à un moment où on a dû développer des codes. Fait qu'on a essayé plein de choses, plein de façons. Puis il y a aussi le fait que quand on fait des concerts, t'sais, c'est sûr que, disons, comme moi, quand je fais des œuvres comme artiste, chaque œuvre est complètement différente, chaque dispositif est complètement différent. Puis l'œuvre, c'est le dispositif. Mais ici, les musiciennes, musiciens changent tout le temps. Il faut que la transmission se fasse rapidement. Là, on n'a pas le temps de niaiser. T'sais, si je monte un show pour la semaine prochaine, ou peu importe, là, pour le mois prochain, je dis OK, 10 personnes, venez-vous-en. Il faut qu'on apprenne 4-5 pièces. Il faut que ça se transmette bien, puis rapidement. Donc, on a développé un genre de code qui est en grande partie inspiré de comment Stockhausen écrivait ses partitions à l'époque. Donc, avec, c'est ça, il y a comme chaque musicien a une genre de ligne, puis sur laquelle est inscrite la fréquence, puis l'amplitude. Donc, c'est les deux paramètres principaux. Puis donc là, on fait la partition en tant que telle, c'est comme très graphique. Moi, il y a une chose qui m'intéressait là-dedans aussi, c'était de me dire que c'était accessible à n'importe qui. Donc, comme des fois, il y a des gens qui arrivent qui n'ont jamais fait de musique électronique, par exemple, puis sont capables de suivre nos partitions. On a déjà fait des ateliers avec des enfants, tu sais, de comme 9 à 12 ans, puis ça allait, là, on a passé une couple d'heures avec eux autres, puis ils ont été capables de lire ça. Donc, c'est très graphique. Puis, donc, c'est comme une genre d'image qui défile devant nos yeux avec un curseur. Il y a une ligne qui dit on est où dans l'image. Puis, dans le fond, on suit les indications. Puis, grosso modo, ça devrait bien se passer si on fait la bonne fréquence à la bonne amplitude, là. Nicolas, si je comprends bien, l'ensemble d'oscillateurs, c'est aussi une manière de tisser des ponts entre les artistes, puis aussi entre les périodes historiques de l'histoire de la musique, des arts sonores. Je fais référence, entre autres, là, à ces réinterprétations que tu as initiées autour du travail de Else-Marie Padé ou encore Pauline Oliveros. Oui, donc c'est ça, il y a cette idée-là de... Mais tu as toujours travaillé avec l'histoire, à quelque part. Ça, dans mon travail, ça a toujours été présent, donc de travailler... C'est un travail qui est technologique, donc on a l'impression, que, je ne sais pas comment dire, on regarde tout le temps dans le futur un peu, mais en même temps, pour moi, le passé est super important. Fait que j'essaie tout le temps de prendre des choses du passé puis peut-être amener ça ailleurs. Je donne juste un exemple avant de revenir à la réinterprétation du répertoire, là. Avec l'ensemble, c'est quand même assez curieux. Donc, les oscillateurs, c'est comme les premières machines qu'on a utilisées pour faire les premières musiques électroniques, là, avec, entre autres, Stockhausen. Puis c'est quand même assez curieux qu'il y a, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a jamais eu d'ensemble comme ça. Puis là, je me dis, hey, c'est drôle, il a fallu attendre. Bon, il y en a sûrement eu, là, tout a été fait, là, mais en tout cas, comme je dis, à ma connaissance, j'en connais pas, mais il a fallu attendre toutes ces années-là avant qu'on se dise, on ne va pas juste enregistrer, disons, les ondes sinusoïdales, faire de la musique avec sur bande. On va vraiment la performer, on va écrire des partitions, on va la jouer, puis une musique vraiment purement électronique, donc juste avec des ondes sinusoïdales. C'est une autre chose qui est finalement assez rare. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'onde sinusoïdale, c'est un des clichés, là, pratiquement en art sonore, mais finalement, quand on creuse, il y a pas tant de musique que ça qui est vraiment juste faite avec ça. Ensuite, c'est ça, c'était un de mes objectifs avec l'ensemble de... Un de mes fantasmes que je ne savais pas si on serait en mesure de réaliser, de reprendre des pièces, donc des vieilles pièces, c'est ce qu'on appelle la early electronics, ça fait que comme un peu les premières pièces de musique électronique, qui n'avaient pas été faites pour être performées, hein, qui c'était des pièces qui étaient fixées sur bande, c'était des pièces qui étaient faites pour, comment dire, être écoutées et pas tant être jouées, si on veut. Donc, on a fait ce travail-là. Écoute, c'était un travail, comme Pauline Oliveros, on a repris, je pense, un 6 minutes sur une pièce de 15 minutes. Dans le fond, là, on fait un extrait d'une de ces pièces. Puis la quantité de travail pour retranscrire ça, là. Donc, tu vois, on écoute une pièce de musique électronique, puis nous, il fallait qu'on essaye de décortiquer toutes les fréquences, puis essayer de les replacer pour que ça soit jouable par 10 personnes, tu sais. C'est vraiment à se rendre. On a failli devenir complètement cinglés là, à faire ça. Là. Puis Else-Marie Padé, c'est une pièce de comme 40 minutes. Là, fait que ça, c'est comme... Écoute, c'était un gros, gros travail. Dans cette foulée-là, on va écouter, Nicolas, une réinterprétation d'une œuvre d'Else-Marie Padé. Ça s'intitule Faust. C'est le mouvement 1 qu'on va écouter ce soir. C'est une réinterprétation de l'ensemble d'oscillateurs. On le retrouve, lui, sur l'album intitulé Transcription, Oliveros Padé. Et retranscription réalisée avec la collaboration d'Estelle Schorp. Alors, on écoute ça. Nicolas, j'aimerais qu'on parle de cet album qui est intitulé Cinq Directions. C'est le troisième de l'ensemble. On y retrouve cinq artistes, compositeurs. Et j'aimerais ça que tu nous parles de comment on organise un tel projet, quel genre d'affinité il faut avoir avec les compositeurs ou les artistes pour développer un tel projet. Oui, quel genre d'affinité? C'est une bonne question. Je sais pas, je pense qu'il faut juste, il faut s'intéresser aux autres, il faut créer des liens, il faut faire des propositions. Il y en a qui embarquent, il y en a qui embarquent pas. Dans ce cas-ci, donc, Cinq Directions, c'est potentiellement le dernier disque de l'ensemble de Oscillateurs comme tel qu'il est né, c'est-à-dire avec des oscillateurs analogiques simples, des oscillateurs qui font des ondes sinusoïdales. Donc, il y avait le premier, quatre compositions, c'était comme les quatre premières compositions. Le deuxième, deux transcriptions, là, c'était une tentative de réinterprétation. Puis, Cinq Directions, je voulais un peu montrer. Là, après, disons, on a débuté en 2016. Là, rendu en 2022, on commençait quand même à avoir une sorte de maturité, si on veut, les pièces. Au début, on ne savait pas ce qu'on faisait, tu sais, personne, là. Puis après 6 ans, ben là, on commençait à savoir ce qu'on faisait. Puis les compositrices, compositeurs, savaient aussi de plus en plus, ils pouvaient écouter les autres albums, ils pouvaient voir un peu le travail. On avait développé nos gabarits pour l'écriture, tout ça. Puis donc, les pièces devenaient de plus en plus, je sais pas comment dire, mais. Comme l'écriture des pièces, j'ai l'impression, devenait de plus en plus mature, en tout cas. Donc, Cinq Directions, ça montre un peu cinq pistes où on peut aller. Comme il y a une pièce, par exemple, Maxime Corbeil-Perron, lui, sur l'album, évidemment, on le voit pas, là, mais dans la vie, il y a une vidéo qui va avec ça, tu vois. Fait que c'était comme une première pièce audiovisuelle. C'était super intéressant. On a fait une interprétation d'une partition graphique de Kat Hope, qui est une compositrice australienne prolifique, absolument prolifique. Donc ça, c'était bien intéressant. J'ai discuté un peu avec elle. J'ai lancé l'idée, tu sais, j'y ai dit. Puis elle, je sais qu'elle travaille un peu déjà un peu sur les sinus, mais elle utilise tout le temps des graves, comme c'est une bassiste aussi, puis elle est très dans les graves, dans les fréquences sous-graves. Donc, j'ai dit, hey, c'est intéressant, tu travailles déjà là-dessus. Toi, tu fais des partitions graphiques. Nous, on a cet ensemble-là. Qu'est-ce que t'en dis si on fait une interprétation, puis elle était super contente, t'sais. Fait qu'on l'a fait, puis si on l'a travaillé dans le grave, justement, un peu pour lui rendre hommage. Puis là, il y a une pièce que j'ai moi-même faite avec Ida Toninato, donc la saxophoniste. Moi, c'est ça, j'ai comme pas vraiment eu le temps, en partant ce projet-là, de faire moi-même des pièces, t'sais. Fait que là, j'ai comme, à un moment donné, j'ai essayé, puis c'était comme une pièce mixte et une autre pièce mixte de Pierre-Luc Lecourt avec un violoncelle. Donc, ça montre un peu plein d'aspects où ça peut aller à partir de maintenant, puis comment ça peut se développer finalement. Tout à fait. C'est un album très, très riche, très, très varié, cinq belles directions. Et ce soir, il faut faire un choix. Et puis, je propose aux auditeurs d'écouter cette création que tu as réalisée, Nicolas, avec Ida Toninato. Ça s'intitule Rachel 60. Et voilà, c'est tiré de l'album Cinq directions. On écoute ça. Alors voilà, ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de Nicolas Bernier, de ses collaborateurs aux ensembles d'oscillateurs. Restez des nôtres, on poursuit ça après un bref battement promo. CKRL 89.1. CKRL MF 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, on est de retour. C'est la croche-oreille jusqu'à 22h sur les ondes radio et sur la toile. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que des émissions antérieures archivées jusqu'à maintenant. En deuxième demi, on poursuit cette conversation que m'accordait l'artiste Nicolas Bernier autour de ses projets de recherche et de création et notamment ce qui concerne ses explorations du signal sinusoïdal dont on a entendu des extraits tout à l'heure. D'ailleurs, désolé d'avoir coupé cette pièce de Nicolas. Voilà, Edida, Tony Natto, je ferai jouer l'intégrale en cours de saison. Alors, cela dit, à propos de Nicolas Bernier, il faut retenir qu'il a créé depuis plusieurs années des performances et des installations audiovisuelles qui visent à faire dialoguer le son et la matière. Artiste multidisciplinaire, Nicolas développe une approche artistique qui mêle des éléments issus de la musique, de la photographie, du design et de la science notamment. Il a d'ailleurs œuvré et collaboré au cours de sa carrière dans les domaines du cinéma, de la littérature, de la danse et du théâtre. C'est ce qu'on apprend en lisant son curriculum. Il s'est aussi entouré de nombreux artistes et musiciens pour la réalisation de ses projets. Alors, l'ensemble de Sciateur est un exemple parmi de nombreux autres. Il a diffusé son travail largement au Québec, au Canada et à l'étranger dans de nombreux festivals prestigieux, dont Mutec et Acousma à Montréal, à la Transmédiale de Berlin et à Ars Electronica de Linz en Autriche. Il a d'ailleurs remporté un prix à cette occasion. Nicolas Bernier est titulaire d'un doctorat en arts sonores et il enseigne au programme de musique numérique de l'Université de Montréal. Voilà, on poursuit ça. Parole maintenant encore à Nicolas Bernier. Thank you. Nicolas, je commence toujours mes entrevues par cette question-là. Et puis, ce matin, je trouvais qu'il fallait rentrer dans le sujet assez rapidement. Mais dis-moi, quel a été pour toi le moment décisif, le moment d'éveil pour la musique, certes, mais pour l'expérimentation en tant que telle, l'expérimentation musicale, sonore? Où est le point de bascule qui fait qu'on abandonne ce qu'on entend tous les jours pour des sentiers moins connus? Une excellente question. On dirait qu'il faudrait que j'y pense un peu. Comme le point de bascule pour la musique, ça, c'est vraiment pas compliqué, puis c'est vraiment simple. C'est, tu sais, au secondaire, à 14 ans, cours de guitare, la journée où... Moi, j'avais jamais fait de musique de ma vie, je pensais jamais un enfant. La journée où j'ai touché une guitare, tout a changé. T'sais, c'est vraiment la seconde. Fait que ça, c'est facile, ça, c'est arrivé là. Après, l'expérimentation, c'est une super bonne question. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une partie un peu innée. si, tu sais, comparativement à, disons, la culture générale dans laquelle j'ai grandi, on dirait que j'avais tout le temps ce désir-là d'aller voir un peu plus loin, tu sais. Je vais donner juste un exemple, là. Bon, disons, justement, autour de 15 ans, adolescent, tout ça, évidemment, j'écoute un peu comme tout le monde, la musique qu'on appelait à l'époque alternative ou du rock, un peu tout ça. Puis disons, tu sais, il y a Sonic Youth, par exemple, qui est un groupe quand même assez important. Puis à un moment donné, je tombe dans un disquaire sur le disque Zero Tolerance for Silence de Pat Metheny. Puis il y a un collant sur le disque, c'est écrit comme quelque chose du genre « The best noise album ever », citation de Thurston Moore, tu sais, qui est le guitariste de Sonic Youth. Ça pour dire que ça, moi, ça n'a pas été long. Ce disque-là, je l'achète tout de suite, je l'écoute. Je suis un peu comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, je passe de, il y a Anti-Sonic Youth, puis genre de disque un peu noise de Pat Metheny. Puis je connaissais Pat Metheny pour ses trucs particulièrement plus accessibles. Donc, en tout cas, donc, il y a toujours eu une genre de curiosité comme ça. Mais un autre, puis ça s'est fait, peut-être d'autres points marquants, des groupes comme à un moment donné, disons, du rock, on est passé à l'exploration plus instrumentale, entre autres avec des groupes comme Tortoise, puis Godspeed You Black Emperor. Ça, c'est des groupes qui ont quand même changé ma vie, là, comme, disons, ça, c'était dans mon adolescence avancée, j'étais encore batteur de rock. C'est sûr, ça a changé quelque chose. Je donne juste un dernier petit hint avant de clore ma réponse. Là, quand je suis arrivé à Montréal, encore une fois, très curieux, je vais voir plein de choses. Je veux dire, tout ce que je peux aller voir, tout ce que je sais qui va me troubler un peu, j'y vais. Puis, je pense que ça a été un des moments artistiques les plus troublants de ma vie. Je suis allé voir un concert de musique électroacoustique. Fait que le truc dans le noir. Mais tu sais, moi, j'ai aucune... Je sais pas, là, j'étais pas un étudiant de Saint-Laurent en musique. Il y a des gens qui ont parlé de ça. Là. Moi, j'arrivais de l'Outaouais, j'avais aucune idée que ça existait, cette histoire-là. Puis j'arrive dans une salle où on me dit que c'est de la musique, mais il y a comme personne qui joue rien. C'est dans le noir complètement. Il y a des sons qui virevoltent un peu partout autour. Ça a quand même été un événement marquant. Puis je te dirais, j'étais pas convaincu d'aimer ça, mais j'étais convaincu que ça me troublait puis qu'il fallait que je réussisse à comprendre ce qui se passait. T'sais. Fait que ça a été quand même un gros point. C'était un concert organisé par Réseau là, qui fait Acousma. Là. Ça s'appelait Haute Tension à l'usine C. Voilà. Nicolas, bon, il y a l'ensemble de Seattle qui a pris beaucoup de temps ces dernières années, mais en regardant ta production récente, on sent bien que tu veux aussi y échapper d'une certaine façon, revenir à des modalités plus conventionnelles, on va dire ça comme ça. Et puis, j'aimerais que tu me parles de ce bel album intitulé « Invisible multicolore » que tu viens de lancer. C'est un album qui est une sorte de retour à la musique. Raconte. Complètement. C'est vraiment un retour à la musique. Puis tantôt, on parlait comme de peut-être plus comment ça a commencé, puis la jeunesse. Puis c'est presque un retour à l'adolescence, à quelque part, ou à la musique que j'aurais peut-être finalement dû faire quand j'étais jeune, mais que l'environnement me l'a pas nécessairement permis. Ouais, écoute, tu sais, disons, premièrement, avec l'ensemble de Seattle, j'ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de Sinus. Tu sais, je dois être une des personnes au monde, parmi les personnes qui en ont le plus écouté dans les dernières années. Fait que c'est ça que j'ai, je sens que j'ai un peu donné. C'est pour ça que l'ensemble en ce moment, cette année, là, on l'a transformé, on l'appelle encore Ensemble de Seattle, mais on prend des synthétiseurs là, depuis cette année. Donc, on y va avec des timbres un peu plus riches, super intéressants aussi. Puis, personnellement, je sais pas, je pense qu'il y a un aspect, l'aspect pandémique a changé des choses quand même. Autant je pensais y échapper au début. Quand on est rentré en pandémie, moi, ça n'a pas été long. Je me suis tout de suite mis en mode, OK, là, je vais être isolé du monde. Je m'installe dans mon studio, dans mon sous-sol, puis je vais vraiment faire une musique plus de studio. Puis, il y a quelque chose où je sais pas si c'est lié à la pandémie ou l'âge ou en tout cas beaucoup de choses. C'est un genre de retour à la simplicité qui m'intéresse beaucoup. Puis il y a peut-être mon horaire aussi qui fait que c'est peut-être ça que je peux me permettre ces temps-ci parce que comme prof, j'ai pas beaucoup de temps libre. C'est plus comme j'ai une soirée de libre un dimanche. Cet album-là, Invisible Multicolore, il a été fait essentiellement comme ça, là, tu sais. Les dimanches de libre, le soir, je vais dans mes affaires, puis je gosse un peu des tout nets. Puis là, après ça, j'ai fait de la production, j'ai travaillé beaucoup la production de ça pour monter ce petit album-là. Je voulais faire un truc. Je l'ai lancé le 1er janvier. Pour moi, je l'appelais mon album de Noël. C'était comme, j'avais envie de faire juste quelque chose de t'écoute bien, facilement, simple. C'est drôle que tu parles de Noël parce que je trouvais que c'est un album très joyeux à l'écoute. Et puis, on va en profiter. On écoute une pièce intitulée « Implosion, couleurs multiples » tirée de cet album. On écoute ça. Thank you. Et Nicolas, pour compléter notre rencontre de ce matin, le temps file, quels sont les projets qui sont là, sur ta table de travail, des projets de recherche, des projets de réalisation concrète? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois? Ouais, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a toujours des choses. Bien, c'est sûr, donc, à partir de l'ensemble d'oscillateurs, il y a un projet de recherche-création qui a émergé, qui s'intitule « Vers une esthétique de l'onde sinusoïdale ». Donc, ça a pris quand même beaucoup de place dans les dernières années avec des collègues à l'université, Guillaume Boutard, Caroline Traube. Donc, on a fait des enquêtes auprès des artistes pour un peu comprendre, mieux connaître c'est quoi l'utilisation que les artistes font de l'onde sinusoïdale, pourquoi. Donc, il y a comme un aspect théorique à ça. On a publié des articles et tout. Puis, on continue. On a commandé des œuvres à 5 artistes. Cathy Van Eck, Émilie Payard, Hervé Birolini, Mozaraï, Ryoko Akama. Donc, où on leur a demandé de travailler sur l'onde sinusoïdale. Puis après, on a fait des analyses de ça, voir... qu'est-ce qui se recoupe, qu'est-ce qui se recoupe pas, c'est quoi leur pensée par rapport à ça. Donc ça a été un gros projet qui est toujours ongoing, là, je travaille là-dessus, qui est peut-être un peu plus théorique, si on veut. Sinon, il y a plein de petites affaires, je prépare un petit concert bientôt où je remonte mon œuvre pour Diapason, Frequencies A, que je pensais que j'avais mis à la poubelle, que je pensais jamais remonter. Fait que ça, je trouve ça assez le fun. Puis sinon, comme en ce moment, musicalement, c'est drôle, je me suis couché hier en disant ça. Là, je suis comme, en ce moment, j'ai pas vraiment de trucs. J'ai plein de... Puis en tout cas, je vais continuer à essayer des choses. T'sais. Puis dans le fond, c'est un peu ça, mon dernier album. Dans le fond, je veux juste comme essayer autre chose. Puis ça a toujours été ça. Quand je trouve que je commence à m'ancrer dans une démarche, finalement, je vais voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Comme là, par exemple, cette semaine, je ne dirais pas qui, là, parce que c'est un projet qui est pas assez avancé, mais j'ai proposé à une collègue musicienne d'être son réalisateur musical pour son prochain projet. C'est une chose que je n'ai jamais faite. J'ai tout le temps fait pour mes propres projets. Fait que là, c'est complètement autre chose. Fait que ça, c'est un des projets qui risque de m'occuper cet été. Puis je suis comme dans une phase où, c'est ça, je vais continuer à essayer puis faire des collaborations. Là, je vais... Bientôt, j'amorce une autre collaboration avec un contrebassiste. Puis, donc, c'est tout le temps plein de choses, mais comme j'ai pas de. Tu sais, j'ai pas genre la. Voici le gros projet sur le qu'il faut. Tu sais, que vous devez absolument voir, ça s'en vient en telle date 2023. Donc, j'ai pas ça, mais je continue tout le temps à travailler sur plein de choses à gauche, à droite. Oui, tout à fait. Il faut prendre le temps. Nicolas Bernier, grand merci d'avoir accordé cette rencontre ce matin. C'était très agréable. Ça fait plaisir. Puis, merci à toi. Et puis, au plaisir d'entendre cet ensemble d'oscillateurs en live dans les prochains mois. Merci. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie du créateur-chercheur Nicolas Bernier, que je remercie chaleureusement de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres que l'on retrouve sur le label Line notamment. On retrouve également un ouvrage de Nicolas sur le diapason presse du réel. Alors voilà, je donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h, pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.